Ah, tu comprends maintenant, mon bonhomme, dit Josepha. Venue sur la pointe du pied par une porte muette, sur des tapis de Perse, elle saisit son adorateur dans une de ces stupéfactions où les oreilles tintent si bien qu'on n'entend rien que le glas du désastre. Ce mot de « bonhomme » dit à ce personnage si haut placé dans l'administration et qui peint admirablement l'audace avec laquelle ces créatures ravalent les plus grandes existences, laissa le baron cloué par les pieds. Josepha, toute en blanc et jaune, était si bien parée pour cette fête qu'elle pouvait encore briller au milieu de ce luxe insensé comme le bijou le plus rare. « N'est-ce pas que c'est beau ? » reprit-elle. « Le duc a mis là tous les bénéfices d'une affaire en commandite dont les actions ont été vendues en hausse. Pas bête, mon petit duc !»« Il n'y a que les grands seigneurs d'autrefois pour savoir changer du charbon de terre en or. Le notaire, avant le dîner, m'a apporté le contrat d'acquisition à signer et qui contient quittance du prix. Comme ils sont là tous grands seigneurs, d'Estrignon, Rastignac, Maxime, Le Noncourt, Verneuil, Laginski, Rochefide, La Palférine, et en fait de banquiers, Nucingen et Dutillet, avec Antonia, Malaga, Carabine et La Schontz, ils ont tous compati à ton malheur. Oui, mon vieux, tu es invité, mais à la condition de boire tout de suite la valeur de 2 bouteilles en vin de Hongrie, de Champagne et du Cap, pour te mettre à leur niveau. Nous sommes, mon cher, tous trop tendus ici pour qu'il n'y ait pas relâche à l'opéra. Mon directeur est saoul comme un cornet à piston. Il en est au couac.